manteau de laine, petite Isabelle. Mais ta plus longue robe et ton châle en dentelle. Mais tes yeux les plus bleus et ta peau la plus tendre. Peigne tes blonds cheveux et parfume-toi d'ambre. Je t'emmène en voyage au pays des mille soleils, dans les jardins d'orchidées où tu n'auras plus sommeil. Je t'emmène en voyage au pays des 16 lunes, où dansent les libellules sur le ventre des lagunes. Mets tes plus beaux bijoux, petite Isabelle, tes boucles d'améthyste, couleur de l'arc-en-ciel. Mets ton pays de cerise, celui des jours azur. Mets un peu de malice dans tes yeux d'eau pure. Je t'emmène en voyage au pays des Aphrodites, dans des lits de chèvrefeuille où les nuits sont sans limite. Je t'emmène en voyage au pays des asphodèles, au pays des mille couleurs que parfume l'hydromel. Si tu ne me crois pas, viens, je t'en prie, tout contre moi, petite Isabelle. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Si fort que je rêve.